إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc nous sommes toujours dans l'explication de cet épître intitulé « Les moyens utiles pour une vie agréable ou pour accéder à une vie agréable » écrit par l'éminent Cheikh Abdurrahman Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Donc après avoir mentionné l'évocation d'Allah comme remède pour dissiper les angoisses et les soucis, le Cheikh continue et nous parle d'une forme de gratitude et de reconnaissance envers Allah. Il dit, rahimahullah, et aussi, il y a le fait de mentionner et de parler des bienfaits d'Allah, apparents et cachés. Car le fait de reconnaître ses bienfaits, de les mentionner, éloigne la tristesse et l'angoisse et incite le serviteur à la gratitude et à la reconnaissance. Et ceci est le plus haut degré de la reconnaissance, même si le serviteur est atteint de pauvreté, de maladie ou d'autres épreuves, s'il fait la comparaison entre les bienfaits infinis et indénombrables d'Allah à ce qu'il l'atteint comme chose détestable et épreuve, il s'apercevra que ces épreuves ne valent rien devant les grâces et les bienfaits d'Allah. D'autant que si le serviteur fait preuve de patience, de satisfaction et de soumission au décret d'Allah face à ces épreuves, ces dernières seront allégées. Et son espoir en la récompense d'Allah, son adoration, en s'armant de patience et de satisfaction, fait en sorte que les choses amères et dures deviennent douces et faciles. Et les récompenses qu'il espère lui feront oublier ce qu'il endure comme épreuve. Donc, le fait de mentionner les bienfaits d'Allah, qu'ils soient apparents ou cachés, est une manière d'avilir, d'humilier, de rabaisser Shaytan. Car Shaytan a pour but de faire perdre espoir au serviteur. Il vient à lui et lui dit « Pourquoi es-tu éprouvé alors que d'autres ne le sont pas ?» Donc, il incombe au serviteur dans ces moments-là de mentionner les bienfaits d'Allah à son égard, et qu'il sache que les épreuves qu'il subit ne sont rien vis-à-vis des bienfaits énormes qu'il possède. Et le fait d'évoquer ces bienfaits font oublier au serviteur ses épreuves, et avec ceci, il fait preuve de reconnaissance envers son Créateur. Allah dit dans le sens du verset, « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, disait « Celui qui reconnaît le bienfait d'Allah par son cœur et qui le mentionne avec la langue, ce bienfait ne fera qu'augmenter. » Et il a été rapporté que Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, disait « Lier les bienfaits d'Allah, naam, à la gratitude et la reconnaissance. À chaque fois qu'Allah vous comble d'un bienfait, naam, remerciez-le. Soyez reconnaissant. » Hassan al-Basri, rahimahullah, disait « Multipliez l'évocation de ses bienfaits, car le fait de les mentionner est un signe de gratitude envers Allah. » Non, comme vous savez, parmi les signes de gratitude, il y a le fait d'être reconnaissant avec le cœur, de remercier Allah par le cœur, non, et de remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, par les actions, non, et par la langue. Puis le shir dit, et le plus profitable et le plus utile concernant ce sujet est d'utiliser et de mettre en pratique la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va citer dans le hadith authentique, ci-dessous. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous, naam, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ceci afin que vous ne minimisez pas les bienfaits d'Allah sur vous. Car si le serviteur prend en considération cette recommandation, il remarquera qu'il est au-dessus de beaucoup de personnes et plus avantagé dans la santé et la subsistance. Et cela peu importe les épreuves qu'il a pu subir. Et avec ceci, ses angoisses, ses tracas et ses soucis se dissiperont. Sa joie et sa satisfaction ne feront qu'augmenter vis-à-vis des bienfaits d'Allah dont il a été comblé par rapport à ses semblables. Le shir continue et dit « Et dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un croyant, donc le hadith, le prophète dit dans le hadith, qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste un de ses comportements, il sera satisfait par un autre de ses comportements. Non. À travers ce hadith, nous tirons deux profits. Le premier, la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le comportement et l'attitude à adopter envers l'épouse, envers le proche, envers l'ami ou l'employé, ou toute personne avec qui tu as un lien ou un contact. Le serviteur doit s'apprêter à accepter les défauts des autres, leurs manquements et tout ce qu'ils détestent. Dans le cas où tu remarques l'un de ces défauts, il t'est demandé et ordonné de considérer cette forte relation existante, Naam, et cet amour que tu as avec ton prochain, Naam, avec ton épouse, ton voisin ou ton frère, fillah, dans la religion. En se rappelant et en évoquant les qualités de cette personne et les objectifs particuliers et généraux, Naam, que vous espérez atteindre. Néanmoins, en fermant les yeux sur leurs défauts, tout en reconnaissant leurs qualités, en réagissant comme cela, l'amitié et la relation perdurera et la quiétude régnera dans ton cœur. Et le deuxième profit du hadith, Naam, est la dissipation de l'angoisse et de la tristesse et la disparition de toute rancune dans le cœur et la continuité de l'accomplissement et de l'acquittement des droits obligatoires et surrogatoire, Naam, et la quiétude entre les deux parties. Et celui qui ne met pas en pratique la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait l'inverse de ce qu'il a été évoqué dans le hadith en faisant une fixation sur les défauts et en fermant les yeux sur les qualités de la personne, il sera certainement angoissé et la relation qu'il aura avec son épouse ou autre se dégradera et les devoirs communs des deux parties seront bafoués. Donc à travers ce hadith, le shir mentionne une raison de dissiper les angoisses qui est le fait de ne pas se préoccuper des défauts de l'épouse ou du proche, Naam, ou du voisin ou autre, mais plutôt de voir leurs qualités. Et ceci est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui se préoccupe uniquement de chercher les défauts de sa moitié et d'ignorer ses qualités, Naam, leur relation se fragilisera et leur vie sera pleine de soucis et de tristesse, sans oublier, bien sûr, la désobéissance qu'ils auront commis en ne prenant pas en compte cet ordre, Naam, et cette recommandation prophétique. Et parmi ce qui peut aider le serviteur à mettre en pratique ce conseil prophétique, il y a le fait de se préoccuper de ses propres défauts, car il se peut que tu trouves en ta personne des défauts plus importants et plus graves que ceux de ton épouse ou de ton frère. Et ceci te poussera à exécuter ou à excuser autrui et de ne plus être aussi exigeant envers eux. Mais l'être envers toi-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, l'un d'entre vous voit le petit morceau de bois dans l'œil de son frère, mais oublie le tronc d'arbre qui se trouve dans son propre œil. Et il est possible que le défaut ou l'écart de comportement que tu vois en ton épouse ou en ton frère soit dû à tes manquements ou à tes péchés, tes désobéissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Un des salafs a dit « Je vois l'effet néfaste de mon péché à travers le comportement de mon épouse ou de ma monture. » Donc il se blâme lui-même des écarts de comportement de sa femme ou de sa monture. Puis le Cheikh Rahimallah dit « Beaucoup de personnes sont capables de supporter, d'endurer et de patienter face aux grandes épreuves, tout en restant sereins, mais face à des choses insignifiantes, Naam, ils sont pris d'inquiétude et de tristesse. Et la raison de cela est qu'ils se sont préparés à faire face aux grands problèmes, aux grandes épreuves, et qu'ils ont négligé les problèmes minimes qui ont pour conséquence des effets néfastes sur leur comportement. L'homme intelligent, le musulman, l'homme résolu, doit se préparer à faire face à tout problème, grand comme petit, et qu'il sollicite le secours d'Allah pour qu'il ne l'abandonne pas à son sort. À ce moment, le petit problème lui sera facile, comme l'a été le grand problème. Il demeurera apaisé, serein et reposé. Le Cheikh Rahimallah Nam mentionne une catégorie de personnes qui est capable de supporter et d'endurer de grandes épreuves et incapable d'endurer les petits soucis insignifiants, les petites épreuves. Et ceci leur rend la vie pénible et triste, surtout dans la vie conjugale. Le fait de laisser ces petits soucis s'accumuler sans essayer de les traiter rendra la tâche et la résolution du problème plus difficile. Donc il incombe aux époux de revenir au Coran et à la Sunna lors de leur litige. Allah dit, dans le sens du verset, « Si vous divergez sur quoi que ce soit, alors renvoyez cette chose vers Allah et son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. » Le Cheikh Rahimallah dit ensuite, « L'homme intelligent, Al-Aqil, doit savoir que sa vraie vie est celle du bonheur et de la tranquillité. Cette vie-là est très courte. Il ne faut pas qu'il la raccourcisse par des tristesses et qu'il s'abandonne aux griefs. Sur ce point, le croyant et le pervers ou le mécréant sont égaux, mais le croyant aura la plus grande part dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc la personne intelligente, qu'il soit croyant ou pervers, sait que cette vie est courte. S'il passe son temps à se préoccuper des angoisses et des tristesses, sa vie se finira ainsi, et il ne profitera pas du temps ou de ce temps précieux qu'Allah lui a accordé. Le serviteur doit occuper sa vie et son temps pourquoi il a été créé. Allah dit dans le sens du verset, « Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Donc notre temps doit être occupé par l'adoration, qu'elle soit, que ce soit des adorations obligatoires ou surrogatoires. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui vit longtemps tout en faisant de bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres durant ce mois de Ramadan, Naam, et qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés, et qu'il fasse en sorte qu'on puisse atteindre la nuit du destin, Laylatul Qadr. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين